n'oublie rien, de rien. On n'oublie rien du tout. On n'oublie rien, de rien. On s'habitue, c'est tout. Ni ses départs, ni ses navires, ni ses voyages qui nous chavirent de paysage en paysage et de visage en visage. Ni tous ces ports, ni tous ces bars, ni tous ces attrape-cafards où l'on attend le matin gris au cinéma de son whisky. Ni tout cela, ni rien au monde ne sait pas nous faire oublier, ne peut pas nous faire oublier qu'aussi vrai que la terre est ronde, on n'oublie rien de rien, on n'oublie rien du tout, on n'oublie rien de rien, on s'habitue, c'est tout. Ni c'est jamais, ni c'est toujours, ni c'est je t'aime, ni ces amours que l'on poursuit à travers le cœur, de gris en gris, de pleurs en pleurs. Ni ces bras blancs d'une seule nuit, collier de Jules pour notre ennui, que l'on dénoue au petit jour par des promesses de retour. Ni tout cela, ni rien au monde ne sait pas nous faire oublier, ne peut pas nous faire oublier qu'aussi vrai que la terre est ronde, on n'oublie rien de rien, on n'oublie rien du tout, on n'oublie rien de rien, on s'habitue, c'est tout. Ni même ce temps où j'aurais fait mille chansons de mes regrets, ni même ce temps où mes souvenirs prendront mes rides pour un sourire, ni ce grand lit où mes remords ont rendez-vous avec la mort, ni ce grand lit que je souhaite à certains jours comme une fête. Ni tout cela, ni rien au monde ne sait pas nous faire oublier, ne peut pas nous faire oublier aussi vrai que la terre est ronde. On n'oublie rien de rien, on n'oublie rien du tout, on n'oublie rien de rien, on s'habitue, c'est tout.